Ce monsieur Lucideur a le meilleur cœur du monde. Oh, un cœur magnifique. Un cœur tout d'or. Au surplus, comment vous portez-vous, mademoiselle Lisette? Et que voulez-vous dire avec votre compliment, maître Blaise? Vous tenez depuis un moment des discours bien étranges. Oui, j'ont des manières fantasques. Et ça vous étonne, n'est-ce pas? Je m'en doute bien. Que vous êtes agréable. Que vous êtes original avec votre agréable. Comme il me regarde. En vérité, vous extravaguez. Tout au contraire. C'est ma prudence qui vous contemple. Eh bien, contemplez, voyez. Ai-je aujourd'hui le visage autrement fait que je l'avais hier? Non, c'est moi qui le vois mieux que de coutume. Il est tout nouveau pour moi. Et que le ciel vous bénisse. Attendez donc. Et que me voulez-vous? C'est se moquer que de vous entendre, on dirait que vous m'en comptez. Je sais bien que vous êtes infirmier à votre aise et que je ne suis pas pour vous. De quoi s'agit-il donc? De m'accouter sans y voir goutte et de dire à part vous? Ouais, il faut qu'il y ait un secret à ça. Et à propos de quoi un secret? Vous ne me dites rien d'intelligible. Non, c'est fait exprès, c'est résolu. Voilà qui est bien particulier. Ne recherchez-vous pas Angélique? Ça est y tout conclu. Plus je rêve et plus je m'y perds. Faut que vous vous y perdiez. Mais pourquoi me trouver si agréable? Par quel accident le remarquez-vous plus qu'à l'ordinaire? Jusqu'ici, vous n'avez pas pris garde si je l'étais ou non. Croirais-je que vous êtes tombé subitement amoureux de moi? Je ne vous en empêche pas. Je ne dis pas que je vous aime. Que dites-vous donc? Je ne dis pas que je ne vous aime point. Ni l'un ni l'autre. Vous m'en êtes témoin. J'en donnais ma parole. Je marche droit en besogne, voyez-vous. Il n'y a pas à rire à ça. Je ne dis rien. Mais je pense, et je vais répétant, que vous êtes agréable. Je vous regarde à mon tour. Et si je ne me figurais pas que vous êtes timbré, en vérité, je soupçonnerais que vous ne me haïssez pas. Oh, soupçonnez, croyez, persuadez-vous. Il n'y aura pas de mal, pourvu qu'il n'y ait pas de ma faute et que ça vienne de vous toute seule sans que je vous aide. Qu'est-ce que cela signifie? Et mêmement a vous permis de m'aimer, par exemple? J'y consens encore. Si le cœur vous y porte, ne vous retenez pas. Je vous lâche la bride là-dessus. Il n'y aura rien de perdu. Le plaisant compliment. Et quel avantage en tirerais-je? Oh, dame si bridée. Mais ce n'est pas comme vous. Je ne saurais parler plus clair. Voici venir Angélique. Laissez-moi lui toucher un petit mot d'affection. Sans que ça empêche que vous soyez gentille. Ma foi, votre tête est dérangée, monsieur Blaise, je n'en rabats rien.